بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 41 بعد 100 141 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بصلاة قبل خطبته بلا آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بالتقوى الله وحث على طاعته وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء. طيب، خرجوا على début du hadith. Donc Jabir dit qu'il a assisté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la salat du Eid, et qui fait la salat avant de faire la khutbah, et cela sans faire l'adhan auparavant et ni de faire d'iqama. Pas d'adhan ni d'iqama avant la salat, directement. Après, il s'est levé en s'appuyant sur Bilal et il a ordonné aux gens de craindre Allah. Il les a exhortés à lui obéir, à obéir à Allah Azza wa Jal. Il a sermonné les gens. Et il leur a fait un rappel. ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَا فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ حَطَبٍ جَهَنَّمَ. Après, il s'est rendu auprès des femmes. Et les a quasiment. كَذَلِكَ il les a exhortés. Et il leur a fait le rappel. En leur disant: Ô vous les femmes, faites l'aumône, car je vous ai vu comme étant le combustible du feu. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من نكراتهن وخواتمهن رواه مسلم. Donc ensuite, l'une des femmes qui est au milieu des femmes s'est levée avec des joues noires, en disant au messager d'Allah, pourquoi cela? Pourquoi sommes-nous le combustible du feu? Il a dit, parce que vous plaignez beaucoup et vous êtes ingrates. C'est-à-dire, vous ne reconnaissez pas les bienfaits. Et là, il s'agit principalement d'avec les maris, c'est-à-dire la hachir, dans la vie. Donc, elles sont mises justement à faire l'aumône depuis leurs bijoux, en le jetant dans le vêtement de Bilal leurs boucles d'oreilles ainsi que leurs bagues, apportées par musulmans. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أراوي رابورتور سي جابر بن عبد الله dont on a déjà parlé auparavant. يقول موضوع الحديث وسجد الحديث بيان أيهما أول الخطبة أو الصلاة في العيدين وحكم النداء للصلاة وكيفية الخطبة والخطيب. Donc ce hadith vient pour parler du jugement de ce qui doit être fait en premier entre la salat et la khutbah, dont on a déjà parlé auparavant, donc c'est la salat lors des deux عيد. Également qu'il n'y a pas le jugement de l'adhan pour cette salat-là. Donc il n'y en a pas. Et comment doit s'y prendre le khatib pour parler aux gens? Quand on a fait Shah al-Ijmali, explication globale du hadith. Yurbiru Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma annahu shahida salat al-Eid salat al-Eid al-Fitr ma Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fasalli Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bidun adhan wa liqama thumma waqa'a ووقف أمام الرجال متعمدا على بلال فأمر الناس بتقوى الله وحثهم على طاعته التي هي أساس الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة وذكرهم بأحكام الله تعالى وجزائه ووعظهم بذلك أكمل الموعظة. Donc là Jabir informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a assisté à la khutbah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a fait la salat avec lui pour le Eid, Eid al-Fitr, celle qui a lieu après Ramadan, et qu'il n'y a pas eu justement auparavant d'adhan et non d'iqama, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé devant les gens en s'appuyant sur Bilal et il a ordonné aux gens de faire preuve de taqwa et les a exhortés d'obéir à Allah azza wa jal, car cela est la base justement de la réforme et de la réussite dans le bas monde et dans l'au-delà. Et il aura rappelé les règles d'Allah azza wa jal ainsi que sa rétribution, il les a exhortés de la meilleure façon, la façon la plus complète. ثم ذهب الى النساء ليسمعن ما اسمع الرجال من الموعظة فأبلغ فيها وأمرهن بصدقة التي تدفئ الخطيئة كما تدفئ الماء والنار لعلها تقيهن في النار التي هن أكثر حطبها كما قال ذلك لهن. Donc après il s'est rendu auprès des femmes pour leur faire entendre ce qu'il a fait entendre aux hommes comme exhortation. Et il a fait preuve d'une grande éloquence dedans. Et leur a ordonné justement de faire l'aumône. Cette aumône qui efface les mauvaises œuvres, tout comme l'eau éteint le feu. Et ces mauvaises œuvres, justement, qui pourraient les emmener au feu, dont elles sont le plus grand combustible. Ni parmi les hommes, les humains. Comme il leur a dit lui-même. وَمِنْ أَجَلِي حِرْسِهِنَّ عَلَى النَّجَاةِ مِنْهَا قَامَتْ مَرَأَةٌ تَسْأَلُ عَنْ سَبَبْ فِي ذَلِكَ لِتَبْتَعِدْنَ عَنْهُ. Donc de là, justement, pour le souci qu'a porté à la réussite, pour ne pas justement tomber dans ce mal, l'une des femmes s'est levée pour l'interroger. Quelle est la cause qui menait justement à ce qu'elle soit le combustible du feu, afin qu'elles évitent les causes qui y mènent. فَأَخْبَرَهُنَّ أَنَّهُ مِنْ أَجَلِ أَنَّهُنَّ لَا يَصْبِرْنَ عَلَى الضِّيقِ وَلَا يَشْكُرْنَ عَلَى مَعْرُوفٍ وَيُكْثِرْنَ الشَّكَايَا وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. Donc là, le Nabi sallam les a informés du fait qu'elles ne patientent pas lors des moments difficiles et qu'elles ne sont pas reconnaissantes face aux bienfaits qu'on leur donne. Et elles se plaignent beaucoup et elles sont ingrates dans la vie conjugale. قال جابر فجعلهن أو فجعلنا يتصدقن من حليهن من الأقراط والخواتيم وغيرها يلقينه في ثوب الليل ليصرفه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يراه. Donc de là, elles sont mises à faire aumône depuis leurs bijoux en donnant leurs boucles d'oreilles ainsi que leurs bagues et autres qu'elles posaient dans le vêtement de Bilal, afin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam puisse le dépenser comme, voyez bon, comme il voyait de l'intérêt. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voyait qu'il était profitable. Yaqulu fi fawaid al-hadith, c'est la moitié du hadith. Mashlu'iyati al-khutbah fil-idayn wa annahuma ba'da as-salah. Ou annaha ba'da as-salah. Qu'il est légiféré de faire la khutbah et que ceci a lieu après la salat. Annahu la yushra'u li salati al-id adhan wa liqama wa la nida wa ghayrihima. Et qu'il n'est pas légiféré pour cette salat du Eid de faire l'adhan ni liqama. Non. Mashru'iyati al-qiyam hal al-khutbah. Qu'il est légiféré d'être debout lorsqu'on fait la khutbah. Rabi'an jawaz i'timad al-khatib ala shakhsin hal al-khutbah. Qu'il est permis à l'homme de s'appuyer sur une autre personne lorsqu'il fait son serment. خامسا مشروعية الأمر في خطبتي بتقوى الله تعالى والحث على طاعته ووعظ الناس وتذكيرهم. Qu'il est légiféré justement dans la khutbah d'ordonner les gens à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de les exhorter à lui obéir et d'exhorter les gens ainsi que de leur faire le rappel. سادسا مشروعية خروج النساء لصلاة العيد ويبعدهن عن الرجال. Qu'il est légiféré justement que les femmes sortent pour la salat du Eid pour y assister et qu'elles s'éloignent des hommes, qu'elles ne soient pas mélangées aux hommes. سابعا مشروعية تخصيص النساء بخطبته إذا لم يسمعنا خطبة الرجال. Qu'il est permis justement d'aller voir les femmes pour leur faire la khutba spécialement à elles si elles n'ont pas entendu celle des femmes, celle des hommes plutôt. Là c'est un point important, ça veut dire que la khutba du Eid n'est qu'une seule khutba, il n'y en a pas deux. C'est juste que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du fait que les femmes n'entendaient pas, il est parti les voir et leur a répété ce qu'il a dit aux hommes. Mais aujourd'hui, avec les moyens modernes que nous avons, comme les enceintes avec les micros, ce genre de choses, elles entendent directement. Donc il n'y a pas besoin d'y aller, de s'y rendre et pour leur faire une khutbah ce qui leur est spécifique. Donc la khutbah du Eid n'est qu'une seule khutbah. Thumma qal jawaz at-taghliz fi al-maw'iza idha iqtadat maslaha. Dhalika inna kunna akthar hatab jahannam. Qu'il est permis justement d'être sévère lors de l'exhortation si le besoin se fait sentir. Lorsqu'il a dit aux femmes justement que vous êtes le plus du combustible du feu. تاسعا كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تبليغ الشرع وبذل النصيحة للرجال والنساء. Qui montre justement la perfection du conseil du Nabi صلى الله عليه وسلم et son souci à faire retransmettre la législation et de prodiguer le conseil pour les hommes ainsi que pour les femmes. عاشرا جواز تكليم الخطيب للحاجة. Qu'il est permis de parler au khatib s'il y a un besoin, comme l'a fait cette femme-là. حاجة عشر أن الصدقة من أسباب النجاة من النار. Que le fait de faire aumône, c'est parmi les causes qui préservent du feu. ثاني عشر أن جهد الإحسان وفقدان الصبر من أسباب عذاب النار. Que le fait justement de renier le bienfait et de faire preuve d'un manque de patience parmi les causes qui amènent au châtiment du feu. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement a conseiller les femmes d'éviter cela car c'est parmi les plus grandes caractéristiques. Thalith Achar Fadilat Nisat Al-Sahaba et tabayyin dhalika bisoualihinna an asbab kasrat al-nisa finnar liabta'idna anaha wa bi مبادرهن إلى صدقته تصدقنا بما يتعلق بأعراضهن وأعراض أزواجهن من الحلي. Et cela montre le mérite des femmes des Sahaba, justement, cela à travers le fait qu'elles questionnent de la raison pour laquelle la plupart des femmes seront au feu, afin d'éviter cela. Et qu'elles se sont hâtées à faire la sadaqa, des choses qui les concernent elles, par leurs bijoux, ou ainsi que de leur mari. Car aujourd'hui, les femmes, tu leur dirais cela, elles se révolteraient aussitôt. Qui tu es pour dire cela? Pour qui tu te prends pour dire cela? Tu n'es pas meilleur que nous. Pour qui es-tu pour nous juger? Ce genre de questions. Alors que les femmes des Sahaba, elles n'étaient pas comme ça. Lorsqu'on leur a dit quel était ce qui les attendait, et quand on dit ce qui les attendait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne visait pas les femmes devant lui en particulier, mais les femmes de façon générale. Et elles ont eu peur d'être concernées par cela, donc elles ont fait les causes pour s'en préserver. Mais aujourd'hui, les gens, font preuve d'un côté hautain, comme si eux, cela ne les touchait pas. Si les femmes des Sahaba ont eu peur, nous sommes plus en droit d'avoir peur encore plus. Nous sommes encore plus en droit d'avoir peur de cela. Rabi Achar, Jawaz Sadakat Ninsen, Mayatalak Bihi, Erdohu, Kasaati, Wakalamihi, Zelami, Yufawid Zalika, Wajiban Ali, qu'il est permis à la personne de faire Sadaka de des choses qui lui sont personnelles, comme sa montre, son stylo, tant que cela ne l'emmène pas à délaisser une obligation. Non. Et le shir, là, il fait un tambih par rapport à ce hadith, par rapport à cette femme qui a parlé, qui avait les joues noires. Qu'il a dit que ce hadith-là n'est pas un dalil pour permettre aux femmes d'avoir le visage dévoilé. Ce hadith n'est pas une preuve pour eux. Pourquoi? Car cela de deux raisons. Première raison, qu'il se peut que cette femme-là était une femme âgée. Et les femmes âgées, il leur est permis, justement, elles, de découvrir leur visage. Comme le Coran l'a dit dans Surat An-Nur. Il leur est permis de découvrir leur visage, ainsi que leurs mains. Et autre raison, il se peut qu'à ce moment-là, le verset qui a amené l'obligation de mettre le hijab, de se couvrir le visage, n'était pas encore descendu. Car ce verset est descendu dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés, qui a eu lieu dans la cinquième année de l'Hijra. Alors que la khutba du Eid, elle a été légiférée à partir de la deuxième année. Donc il se peut que cette khutba-là qui a eu lieu était parmi les premières, avant que le verset sur l'obligation du hijab ne descende. Et quand on dit hijab, on ne parle pas de ce qu'on met sur la tête, de ce qu'on met sur les cheveux, mais on parle de ce qui recouvre la tête et le visage ensemble. Donc ce hadith-là n'est pas une preuve. Allah yubarik fikum. Walhamdulillah rabbil alamin.